بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنشرع اليوم في الحديث الثاني aujourd'hui nous entamons le deuxième hadith de ce chapitre باب المواقيت le chapitre lié aux horaires défini pour les prières. An Aishata binti Abi Bakr radiyallahu anhuma, selon Aisha, la fille de Abi Bakr radiyallahu anhuma, qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat mutalaffi'atin bimurutihin ثم يرجعن إلى بيوتهن لا ما يعلم ما يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه. Et donc elle dit à Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait la prière du Fajr. Et des femmes parmi les croyantes assistaient avec lui à la prière du Fajr, elle participait. Recouverte, elle mourut, donc un vêtement qui va recouvrir tout le corps et la tête. Donc ces femmes, elles étaient bien couvertes, puis elles retournaient chez elles, sans que personne ne les reconnaisse à cause de elles râlaient. Elles râlaient, les savants ils disent, « Ikhtilat, zulumat al-layl » bi an-nahar, c'est le fait, le mélange de l'obscurité de la nuit avec la lumière de la journée. Donc, c'est une période entre les deux, entre l'obscurité profonde de la nuit et entre la lumière de la journée. Al-hadith dalilun ala jawazi salati al-mar'a fil masjid ma'a al-jama'a. Le hadith est une preuve qu'il est permis à la femme d'assister et de participer à la prière commune à la mosquée. Fal mar'atu laha an tahdura as-salata jama'atan bi shurut. Et donc la femme, il lui est permis de participer à la prière commune avec des conditions. Wa ya laytan nisa iltazamna hadhihi ash-shurut. Et si seulement les femmes respectait ces quelques conditions. Ces quelques conditions. Rien qu'aujourd'hui, une femme qui vient d'une ville lointaine, de l'ouest de la France, elle vient jusqu'ici, déjà la raison du voyage, Allahu al-Musta'an, pour un raqi. On cherche une personne qui fasse une ruqya. On fait toute cette route de l'ouest de la France jusqu'à venir ici pour une personne qui fait une ruqya. Ça, et si on vous dit tafsir al-Fatiha, vous venez? Si on vous dit tafsir al-Fatiha, est-ce que vous venez apprendre l'explication de al-Fatiha? Alors qu'en réalité, la guérison que vous recherchez, vous allez trouver votre réponse dans ce genre de cours. Mais les gens, ils veulent la facilité. Rester dans les péchés, dans les ma'asi, faire des péchés et, s'il vous plaît, m'aider, SOS, un raqi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le raqi qui gère, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui fait tout. Et donc déjà la raison du voyage, surprenante. Ensuite, les vêtements, n'en parlons même pas. Combien de fois des femmes, elles viennent à la mosquée? Oui, je voudrais me marier, oui, ça. Elle vient. Aucun respect pour la mosquée, pour ce lieu de culte. Aucun respect. Fait el mar'a la hai an tahdur as-salat jama'atan. La femme, elle peut, oui, participer à la prière commune. Mais tu ne viens pas n'importe comment à la mosquée. Déjà, tu ne peux pas sortir dans la rue n'importe comment. Alors que dire à la mosquée, la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala? فلا بد ان لا تكون ثمه فتنه لا يخشى عليها. Et donc, il est important, il est impératif qu'il n'y ait pas de fitna, de crainte concernant cette femme, qu'elle soit en danger lorsqu'elle vienne à la mosquée, qu'on n'ait pas peur pour elle, sa sécurité. Ça, c'est important. وَكَذَلِكَ لَا يُخْشَى عَلَى الرِّجَالِ مِنْهَا فَلَا تَكُونُ مُتَبَرِّجَةً وَلَا تَكُونُ مُتَطَيِّبَةً. Et de la même façon, on ne doit pas craindre pour les hommes la concernant. On ne craint pas pour les hommes la concernant. C'est-à-dire qu'elle, elle ne doit pas être qu'une fitna pour les hommes. Elle ne doit pas être mutabarrija avec des vêtements qui ne sont pas corrects. Elle n'est pas correctement couverte. Et de la même façon, elle ne doit pas être parfumée lorsqu'elle vient à la mosquée. Et donc cette femme, elle doit être couverte avec son jilbab et ne pas se parfumer. Et donc si la situation elle est comme telle, c'est-à-dire que la femme, elle est bien couverte, elle n'est pas parfumée, il n'y a pas de risque de danger, alors à ce moment-là, elle peut sortir pour aller à la mosquée. Et son mari ne peut pas lui interdire. Son mari ne peut lui interdire d'aller à la mosquée. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. An ibn Umar radiyallahu anhuma. Kole kanat imra'atun li Umara. Tashhadu salat al-subhi wal-isha'i fil jama'a fil masjid. فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. Et donc selon Bukhari et Muslim, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leur recueil, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, que une des épouses de Umar participait, elle assistait à la prière du Subh, donc le matin, la prière du Fajr, et du Isha, à la mosquée, en groupe. Alors, il lui fut dit, pourquoi est-ce que tu sors alors que tu sais que Omar, il déteste cela et qu'il est jaloux. Et qu'il est jaloux. Les frères, c'est important ça, la jalousie. La jalousie, c'est un caractère louable. Beaucoup aujourd'hui essaient de nous faire croire que la jalousie n'est pas correcte. Non, la jalousie est un caractère louable qui permet d'aider à préserver le couple et l'honneur. L'homme, par jalousie, va préserver, va protéger sa femme. Cette femme qu'il aime, il va la protéger des regards des autres, des regards des malades. Il va donc être jaloux. Ce qui est blâmable, c'est la jalousie excessive qui mène à l'interdit. C'est ça qui est blâmable. Mais la jalousie en elle-même, elle est louable. C'est un caractère louable. Et donc, quand cette femme, lorsqu'on lui a dit ça, elle dit « Wa ma mana'ahu an yanhani » Et qu'est-ce qui l'empêche à Omar de m'interdire d'aller à la mosquée ? S'il est jaloux, qu'est-ce qui l'empêche de m'interdire ? قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. Alors il dit, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'empêche de t'interdire. La parole du prophète lorsqu'il dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah d'aller à la mosquée d'Allah. C'est à cause de cela que Omar ne t'interdit pas d'y aller. وهذا الحديث سندرسه إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. Et ce hadith qu'on vient de citer, on va l'étudier en détail, inshallah, dans le chapitre juste après. C'est le chapitre concernant les mérites de la prière en groupe et son caractère obligatoire. C'est le chapitre juste après, inshallah ta'ala. ثم ليعلم أن العلماء متفقون على أن أول وقت الصلاة أو صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني. Et donc il faut savoir tout d'abord pour commencer que les savants sont unanimes sur le fait que le début du temps du Fajr est à l'apparition du deuxième Fajr. On a deux Fajr, deux aubes. On a l'aube véridique et Al-Ma'ruf bi Al-Kadhib, celui qu'on appelle donc l'aube menteur, celui qui vient et qui apparaît, qui vient et qui disparaît. C'est comme l'aube qui apparaît pendant la nuit, mais ensuite, il disparaît. Et après cela vient l'aube véridique et la journée commence après cela. Et donc le Fajr, le temps de la prière du Fajr vient à partir du deuxième, donc du deuxième aube. أما آخره فإلى طلوع الشمس. Et la fin du temps du Fajr, de cette prière, c'est jusqu'à la levée du soleil. Jusqu'au lever du soleil, excusez-moi. جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. Il a été cité dans le recueil de النسائي selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne la prière du subh, le temps du subh, alors c'est tant que le soleil ne se lève pas. Tant que le soleil ne se lève pas. Et donc voilà le temps du subh. On va voir, bien entendu, donc le temps de chaque prière, petit à petit, dans ce chapitre, inshallah. Donc voilà le temps du subh. Taïb, ma huwa al-afdal. Quel est le meilleur moment d'accomplir cette prière? Au début, à la fin, quel est le meilleur moment? Ikhtalaf al-ulama. Les savants ont divergé concernant cela. Fa dhahaba al-jumhur ila anna al-afdal iqamatuha fi awwal al-waqt. Et donc la majorité des savants, ils voient que il est meilleur, il est préférable d'accomplir cette prière, la prière du Fajr, en début de son temps. واستدلوا بهذا الحديث الذي ندرسه لأن عائشة رضي الله عنها قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. Et donc ils se sont basés, ces savants qui voient que il est préférable d'accomplir le fajr en début de son temps, ils se sont basés sur ce hadith de Aïcha qu'on est en train d'étudier. Pourquoi? Ils disent parce que Aïcha elle a dit, donc les femmes, elles retournaient, après avoir prié, elles retournaient chez elles sans que personne ne les reconnaisse à cause de El Ghalas, le mélange de l'obscurité de la nuit et du début de la journée. Idhan, ba'd as-salat, kanat adh-dhulmatu mawjudatan. Et donc, après avoir accompli la prière, il y avait encore de l'obscurité. Il y avait encore de l'obscurité. Il y a en cela une réplique à beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, mais vous priez trop tôt. Vous priez trop tôt. » Tu dis « Pourquoi on prie trop tôt ?»« Après la prière, il fait encore nuit. »« Ah, il fait encore nuit après la prière. » Et voilà, « Fis sahihayn. » Après la prière, oui, il y a encore de l'obscurité. Ce n'est pas une condition qu'après la prière, il fasse jour éclatant, etc. Et donc, et on verra un autre hadith qui montre cela encore. Et donc Aïcha qui nous dit que personne ne reconnaissait les femmes à cause justement de cette obscurité qui était présente. واستدلوا ايضا بحديث ابي برزه وسنمر عليه كذلك في هذا الباب. Et ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Abi Barza, et c'est un hadith qu'on va étudier aussi dans ce même chapitre inshallah ta'ala. فيه أن وصف صلاة النبي صلى الله فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. Et donc il y a dans ce hadith le fait que Abu Barzah, il a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait il finissait lorsque l'individu pouvait connaître celui qui est à côté de lui, pouvait reconnaître celui qui est à côté de lui. Idhan, qabla hadha, lamma kanu yusallun, kana la ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Et donc, avant cela, quand il priait, l'individu ne connaissait pas celui qui est à côté de lui, à cause de l'obscurité, il ne le reconnaissait pas. Mais par contre, quand le prophète il finissait, là, il le reconnaissait. Et donc, ils se sont appuyés sur ce hadith. Et aussi, ils ont dit que ils ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait longtemps pendant la prière du subh. C'était une longue prière. Et donc, Abu Hanifa les a contredits. Il a contredit la grande majorité. Fekala innal afdal bil isfar. Abu Hanifa, il a dit que le mieux c'est de prier au moment de El Isfar. C'est quoi l'Isfar? Juste avant que le soleil se lève. El Isfar, juste avant que le soleil se lève. La journée, la lumière du jour qui arrive. Et il dit c'est à ce moment-là qu'il faut prier. Pourquoi? Istadalla bi hadith asfiru bil fajr fa innahu a'zam lil ajr. Il s'est appuyé sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit asfiru pour le fajr. Retardez le fajr. Car cela est meilleur pour la récompense. Cela est plus grand pour la récompense. Wa qad ikhtalafa al ulama fi sihhati hadha al hadith wa hassanahu al imam al albani. Et les savants, ils ont divergé concernant l'authenticité de ce hadith. Et l'imam al-Albani, il l'a jugé correct. Hassan. Lakin fil haqiqa laysa hadha al-hadith hujjatan fi istihbab ta'khir as-salat ila akhir waqt al-fajr. Mais en réalité, ce hadith n'est pas une preuve montrant qu'il est recommandé de faire retarder la prière du fajr jusqu'à la fin de son temps. Pourquoi? Vous allez comprendre. اولا قال بعض العلماء ان المراد هنا التحذير من الاستعجال باقامه الصلاه قبل ان نتاكد ان الفجر قد دخل فاذا تاكدنا من دخول الفجر صلينا في اول الوقت. Et donc les savants ils ont dit que ce qui est voulu par là, retarder l'accomplissement du fajr, c'est une mise en garde concernant la précipitation quant au fait d'accomplir la prière du Fajr avant de vérifier que effectivement le temps du Fajr est rentré. Il ne faut pas se précipiter. Mais une fois que nous sommes sûrs que le temps du Fajr est rentré, alors là il faut prier en début de son temps. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Les savants le disent parce qu'on est obligé de rassembler tous les ahadiths. Il y a énormément de hadiths qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière en début de son temps. Et donc on ne va pas prendre ce hadith-là, en sachant que les savants ils ont divergé sur l'authenticité du hadith, et dire que non, c'est mieux d'accomplir la prière à la fin de son temps. Et donc ça c'est une des explications. Il y a une autre explication, ils disent, et ça c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui dit « Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabda'u salat al-fajr fi awwal waqtiha wa yukmiluha fi al-isfar. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débutait la prière du fajr en début de son temps et il la finissait al-isfar, vers la fin de son temps. Et comme ça, nous avons regroupé tous les ahadiths sur ce sujet. Et donc, conclusion, il est mieux, il est préférable, la vie le plus juste, c'est la vie del jumhur, la majorité des savants, qui dit qu'il est préférable donc d'accomplir la prière en début de son temps, et comme cela nous aurons rassemblé toutes les preuves qui ont été citées concernant ce sujet. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.